إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما كان الباب الماضي بيان تعليم أهل الشرك وبيان بطلان هذه، يعني بطلان ما عليه أهل الشرك. أيوة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفع وحده به. طيب، سي كوا اللي انتر لي دو؟ كوا الشاهد؟ رد على من هذا؟ بينا ان المخلوقين المخلوقين من المعبودين لا عندهم نفع. لماذا يعني نعبدهم؟ نعم. Et pourquoi est-ce qu'il a visé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam en particulier ? Parce que c'est Abdal al-Nas, donc si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est Abdal al-Makhlouqat, il ne peut pas être pour faire profiter. Le Nabi Oula, ce qu'il a fallu. Naam. Adam, Ahsant. بعد هذا قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. Donc c'est le chapitre de la parole d'Allah dans le sens où il dit jusqu'à ce que leur cœur soit vide de la frayeur et qu'ils disent qu'a dit votre Seigneur. Il dit la vérité et il est certes le très haut et le grand. Et yani dans ce verset, l'auteur, plutôt le tafsir de ce verset, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala parle des malaïka, ici, des anges. Et le cause du mu'allif avec ce bab, c'est qu'après qu'il citait qui était la meilleure des créatures, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui ne peut rien faire pour toi, donc il n'y a pas lieu de l'adorer lui, de l'invoquer lui, alors que dire de ceux qui sont sous de lui, là il est passé aux malaïka, aux anges. Qui kazalik sont parmi les meilleurs des créatures. Après il y a eu un khilaf, comme on l'a cité dans le Tahawiyya, man afdal yani al malaika ou al bashar, qui sont les meilleurs, est-ce que sont les malaika ou est-ce que sont les hommes. Un long khilaf, et ce qui apparaît de ce khilaf comme étant le plus correct, c'est que les gens salihun des bashar, les gens pieux des hommes, sont meilleurs que les malaïka. Les hommes pieux, quand même, et en dehors de cela, les malaïka sont meilleurs que les hommes. Inch'Allah, si Allah te facilite de faire tahawiyya, la masala est citée dedans. C'est un long bahth que le mu'allif il a fait. Faqala al-Shaykh ibn Baz, rahmallahu ta'ala, an hadhi al-aya. أراد المؤلفها بهذا الباب الرد على عباد القبور والأصنام والملائكة وغيرها، فبين أن الملائكة إذا كانت تخوف الله وتخوف عذابه إن خالفت أمره فكيف تستحق أن تعبد من دون الله، كما قال عز وجل إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. Donc l'auteur il a voulu par ce bab réfuter ceux qui adorent les kubur, qui adorent les asnam, qui adorent les malaïka et autres. Et il a voulu démontrer que justement les malaïka, si vraiment ces créatures ont peur d'Allah, comme dans le verset, hatta ize fuzzi'a an kulubihim, c'est-à-dire que la frayeur sort de leur cœur, comme va le citer le hadith qui va arriver par la suite. Donc ces malaïka qui ont peur d'Allah, de son châtiment, et qui ont peur de s'opposer à son ordre, car les malaïka ne font qu'obéir à Allah, ils ne désobéissent jamais, comme tu le sais. Donc comment peuvent-ils mériter d'être adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala? Allah Azza wa Jal, dans le sens il dit, certes ceux que vous invoquez en dehors d'Allah sont des serviteurs, c'est-à-dire d'Allah, comme vous. Comme vous. Donc ne méritent en rien d'être adorés. Ils sont comme vous. dans le sens qu'ils sont des créatures. ثم ذكر المؤلف حديثا عن ابي هريره قال متن ايدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قضى الله الامر في السماء ضربت الملائكه اجنحتها خدعانا لقوله كانه سلسله من الصفوان ينفذهم ذلك حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق هو العلي الكبير فيسمعها مستدق السمع ومستدق السمع هكذا بعضها فوق بعض وبعضه فوق بعض ووصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر لمن تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا وكذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء وهذا الحديث عند البخاري que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit lorsque Allah décrète un ordre dans les cieux, dans le ciel, les malaïka frappent de leurs ailes par soumission pour sa parole. Et ce bruit est à l'exemple d'une chaîne que l'on frapperait sur un rocher, une chaîne de fer. Puis jusqu'à ce que la terreur sorte de leur cœur, c'est-à-dire d'Allah, par rapport à sa parole, ils disent, qu'a dit votre Seigneur ? Ils dirent, le haqq. Et il est le haut et le grand. Et un voleur, c'est-à-dire parmi les djinns, entend ce décret fait par Allah subhanahu wa ta'ala. Quand même, il entend ce décret. Et ces mustadiqoun, qui sont les djinns, ils sont les uns sur les autres, c'est-à-dire debout les uns sur les autres, comme l'a fait Sofiane en enchevêtrant entre ses doigts. Comme on dirait, on appelle ça l'échelle, les uns sur les autres. Donc celui qui est au-dessus transmet la parole à celui qui est en dessous. Celui qui est en dessous à celui qui est en dessous, ainsi de suite. Jusqu'à ce que cette parole arrive sur la langue d'un sahir, d'un sorcier, ou d'un kahin, d'un devin. Et il se peut qu'un météore atteigne ce moustadiq avant qu'il ne transmette cette parole sur la terre. C'est-à-dire qu'il y a des météores qui partent, qui sont là pour les foudroyer. Et des fois, la kalima parvient sur terre avant d'être foudroyée par le météore. Et des fois, il se fait foudroyer après avoir pris la kalima. Ce qui nous explique la présence justement de ce qu'ils appellent des étoiles filantes, dont les koufars font du shirk en disant « fais un vœu ». Alors que ça n'apporte rien de tout cela, au contraire, c'est là pour lapider les shayatines qui volent le décret divin. Donc après ce sahir ou ce kahin, ou plutôt ce moustariq, il ajoute sans mensonge avec cette parole-là. Et quand les gens écoutent ce kahin ou ce sahir, eux ne voient que la parole véridique et ils disent, mais un tel n'a-t-il pas dit telle et telle chose tel jour ? C'est-à-dire que il le croit avec cette parole qu'il a entendue du Sama. Cette parole qui était volée. Les gens qui vont le voir, le consulter, se mettent à le croire pour une vérité qu'il aurait dit et qui se serait réalisée. Naam. Donc ce hadith nous démontre justement comment certaines informations liées à l'avenir peuvent être connues par le Bachar. Car « ilm al-ghayb hadha min khasa'isillah » Quand même, le fait de connaître l'invisible, ça ne revient que à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si jamais des choses sont connues par les créatures, c'est qu'une chose que Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé de savoir. Ils l'ont pris de façon illicite, comme dans ce hadith, ou alors une chose qu'il leur a révélée à ses anbiya, à ses envoyés. Ou des fois également à travers les rêves. Car les rêves véridiques sont une partie de al-nubuwa, comme cela est dans les hadiths. Des rêves que les gens salihoun y font ont un ta'wil, et ce ta'wil tayyib peut avoir lieu dans le mustaqbel, dans le futur, une chose qui va arriver au relève à l'écart. Et ça, on y croit. Arsène. Avant, on y croit. On ne dit pas que c'est une hujja jazima, quelqu'un qui fait un rêve, mais ça fait partie des choses, quand même, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en a informé, comme lui-même, des fois, demandait à ses compagnons qui a fait un rêve, et demandait à leur sahaba que l'étudier ce rêve. Une fois, il est arrivé avec Abou Bakr, lui a dit, comment interprètes-tu ce rêve? Abou Bakr, il a fait un ta'wil, et lui a dit, Asabta ba'dha wa ata'ta fi ba'd. Tu as eu raison d'une partie, et une autre, tu n'as pas eu raison. Et c'est une science, ta'wil al-ta'bil al-ru'ya, c'est une science. Et celui qui a été connu pour cela, parmi les anbiya, c'était qui? Youssouf, alayhi salam. Et aujourd'hui, on a des gens qui sont forts dans ce domaine. Ils sont forts dans ce domaine. C'est une chose que Allah Ta'ala accorde à ses serviteurs, à qui il veut. Al-Shaykh ibn Zalik, qu'il y a des choses qui sont liées à l'avenir, qu'ils des fois peuvent être retransmises à la créature, et cela par bi'iznillah. La yakunu de bi'iznillah. Et non pas le fait que des gens connaissent l'invisible de, par eux-mêmes. Qala al-Shaykh ibn Baz, wa hadha imtihanu min Allah li'ibadihi. وإليه لو شاء ما استركوا شيئا فتجتمع هذه الكلمات عند الساحر فيكذب معها 100 كذبة ويصدقون في واحدة فيقول الناس فيما بينهم أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا فيصدقون الكلمات الكثيرة بسبب واحدة صحيحة. Avant cela, il faut savoir que là, le shahid de ce bab, c'est que les anges, comme il a dit le shir au début, ils ont peur. C'est ça qu'il veut dire par là. Les anges ont peur. Donc ils ont peur de qui? Ils ont peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il dit, Hatta idha fuzi'a an kulubihim. Et ce hadith vient pour expliquer le verset. Ce hadith vient pour expliquer le verset. Que le verset concerne là les malaïka, les anges. Et là, c'est comme le chien l'explique, c'est une épreuve pour les gens. Car si Allah l'avait voulu, personne n'aurait entendu cette kalima. Bien évidemment. Et ensuite, le sahir, il ment. Il rajoute 100 mensonges. En fait, non, c'est pas le Moustali qui rajoute 100 mensonges, c'est le Sahir qui rajoute 100 mensonges. En réalité. C'est-à-dire, il a la parole véridique, et le Sahir lui-même rajoute 100 mensonges. Donc il vient, il parle aux gens, et les gens le croient à cause de cette parole véridique qu'il aura dû. C'est-à-dire qu'ils vont se mettre à croire plein de mensonges à cause d'une parole véridique. Ce qui montre la faiblesse de l'homme. Quand il fallait un bari à l'irtirar biha oulaï. وتصديقهم لأن صدقهم إما بمشاهدة شيء في الدنيا تناقله عن طريق الشياطين بعضهم لبعض أو عن طريق مستلق السمع فالواجب عدم الإصغاء إليهم وإن صدقوا أحيانا. Donc il ne faut pas justement être trompé par ces gens-là ni les croire, car les paroles véridiques qui s'avéraient être prononcées de leur part, c'est une chose de la dunya qu'ils ont pris par le biais des shayatines, qui eux-mêmes l'auront pris par ceux qui volent le décret que Allah SWT a déclaré fils Sama. Donc qu'est-ce qui est obligatoire pour nous? C'est de ne pas les écouter, même si parfois ils ont raison, ils disent la vérité. Ça démontre que quoi? Que comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Shaitan est venu et lui a pris Ayat al-Kursi, il est parti voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'informe de cela. Il lui a dit, Sadaqaka wa kadhoub. Il t'a dit la vérité, mais c'est un grand menteur. Et là, ce hadith-là, des gens disent qu'on peut prendre un sens de shaitan. On dit non. Abu Huraira, radiallahu anhu, a pris la science de qui? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui lui a confirmé la chose. Shaitan, il ne l'a pas cru, sinon il ne l'aurait pas demandé. Il se peut que des fois, demain, un menteur te dit une parole, et toi, tu vas vérifier cette parole-là auprès de quelqu'un qui est véridique. كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. Vous qui avez cru, si jamais un fasiq, un pervers vous vient avec une nouvelle, alors voyez clair. Il n'a pas dit tu le rejettes mutlaqan, directement. Tu dis vérifie. Car il se peut qu'il ait eu raison aussi. Mais là-bas, c'est que le fasiq, son kalam, il n'est pas accepté. Il n'est pas accepté. Mais si tu as vérifié, parfois il se peut qu'il dise la vérité. Donc ces gens-là, parfois, disent une information qui est véridique. Est-ce que là, ça veut dire qu'ils sont des gens qui sont véridiques eux-mêmes? Non, ce n'est pas une preuve. Ça rappelle une chose qui est arrivée à des maîtres, justement. Il y en avait pendant le Hissar. Tous les soirs, tu avais un Houthi qui venait parler au micro pour faire de l'ilgef, pour essayer de faire peur aux gens et encourager leurs troupes. Il parlait avec un tas de blabla, un tas d'histoires. Aujourd'hui, on a fait ça, aujourd'hui, on a fait ça, des choses extraordinaires. C'est-à-dire pour décourager les Toulab et pour pouvoir, comme je l'expliquais, encourager leurs soldats parmi les Houthis qui étaient en train de désespérer dans le froid. Et ils mentaient énormément. Une telle histoire fantastique. Et un soir, lui-même, il a dit, aujourd'hui, Leïla Khabar, il a dit, Mara Sidq, cette fois, c'est vrai, c'est vrai. Parce qu'il sait qu'en fait, il mentait tout le temps à chaque fois. Ce soir, c'est vrai, il s'est passé telle et telle chose. Genre, donc, ce soir, croyez-moi. C'est-à-dire que d'autres fois, tu mentais, en fait. Nous, on le sait qu'il ment, tu vois. Mais, donc, des fois, tu as un grand menteur, il peut avoir arrivé avec un khabar qui est vrai. Ça n'en fera pas de lui qu'il ne soit pas un menteur. C'est un menteur. On ne dit pas que le menteur, dès qu'il parle, tout ce qu'il dit, c'est du mensonge. Des fois, il va dire la vérité. Mais la base chez lui, c'est le kadhib. On ne croit pas, à part si quelqu'un nous confirme. Kama wa shan kadhalik al-kitab. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la tusaddikuhum la tukadhibuhum. Dans les choses qui ne nous apparaissent pas comme s'opposant à nos textes, ni on ne le dément, ni on ne les croit. On s'abstient. Car il se peut qu'ils aient dit la vérité. Donc nous, on ne doit pas croire ces gens-là. Tout ce qui est devin, tout ce qui est voyant, tout ce qui est sorcier, quand ils annoncent une chose qui est liée au Moustakbel ou Rel Zadika, on ne les croit pas. Et si ça arrive, ça arrive. Et même s'ils disent, oui, je l'avais dit, on dit, on sait comment tu l'as su. On sait comment tu l'as su. Tu n'as aucun mérite. Tu es juste avec les chiens, tu as fait du shirk pour savoir cela. Non, toi-même, tu ne connais aucune chose de l'avenir. Fumakal al-Mu'allifu rahimahullah ta'ala. وعن النواس ابن سمعان أو سمعان فجلده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يحيي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رشفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما يقول أو مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمر الله عز وجل رواه الطبراني والحديث لا يثبت هذا الحديث ضعيف حديث c'est pas authentique que sont selon Nawas ibn Sam'an que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que si Allah ta'ala veut apporter une révélation un ordre divin il parle par la révélation et de là les cieux en tremblent et s'ébranlent d'une grande peur d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et que si les êtres des cieux, qui sont dans les cieux, entendent cette parole-là, ils s'évanouissent et tombent prosternés pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier qui relève sa tête, c'est Jibril. Alors Allah lui parle avec sa révélation de ce qu'il veut. Ensuite, Jibril passe par les anges. Et toute fois où il passe par un ange parmi les cieux, il lui demande, Jibril, qu'est-ce qu'a dit notre Seigneur ? Jibril dit, il a dit le haq, il est le Ali al-Kabir. Alors ils disent tous comme Jibril a dit. Jusqu'à ce que Jibril arrive avec la révélation ou ce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu. Et la chose que Allah subhanahu wa ta'ala a révélée, il veut que Jibril la retransmette. Et de là, Jibril la retransmet à qui il veut. Et à la base, c'est au Anbiya, au Rusul. Muhim en el hadith la yazbut. Mais ce hadith, ou un muradif al-sabiq, il est le même sens que le dernier, que le précédent plutôt. Il a le même sens que le hadith précédent, dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala décrète les choses, et celui qui est chargé de retransmettre le wahi, c'est Jibril, alayhi salam. Et Jibril, wa ashraf al-malaika, comme le prouve ce hadith. Et cette époque, il y a un khilaf par rapport à cette époque, que les voleurs d'informations agissaient. Certains disaient que cela avait lieu avant l'envoi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils arrivaient à voler le degré, yani le sama, le décret divin qu'Allah subhanahu wa ta'ala retransmettait à sa créature. Et lors du bi'atha, lors de l'époque de prophétie, c'était fini, il ne pouvait plus le faire. Il était automatiquement touché par un météore. Il ne pouvait pas y arriver. Et certains ulama disent que après la période de la prophétie, ça a repris. Mais peu difficilement pour eux. Et certains disent non, ça n'a plus jamais repris. Depuis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, c'est fini. Et ce qui apparaît, c'est que ça continue toujours. Cependant, ça s'est vraiment arrêté lors de la prophétie pour pas que cela se confonde avec le wahi. C'est-à-dire que ce qui provenait d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui pouvait l'avoir. Pas de Sahara, pas de Kuhan, rien de cela. Tout ce qui venait du wahi, il n'y a que lui qui l'avait. À ce moment-là, il n'y avait plus ça. Personne ne pouvait voler les informations du ciel et les retransmettre au Kuhan. Après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, al-Zahir an hadha raja. Mais avant, c'était beaucoup plus fréquent. Avant la venue du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est beaucoup plus fréquent. Et du hadith, même s'il a yathbout, on y voit que Allah subhanahu wa ta'ala, sa sifat de al-irada. Idha arada Allah ta'ala an yuhya, si Allah veut quelque chose. Cette sifat, elle est affirmée par ce hadith. Et par d'autres, de toute façon. Même d'autres adillah qui démontrent que Allah subhanahu wa ta'ala, il a une irada. Cette irada, elle est soit kouniya ou soit shar'iya. Ça viendra inch'Allah dans d'autres abouan. Donc le shahid de tout cela, c'est que même ces malaïka s'évanouissent, ont peur d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne connaissent du wahi que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé de savoir. Donc ils ne méritent pas d'être adorés. Ils ne méritent pas d'être adorés. Donc ça c'était le bel. On va prendre les masa'il. Fihi masa'il. Al-oula tafsir al-aya. Le tafsir du verset. Il s'agit de qui? Des malaïka dans le verset. Hatta ils effacent فَزِعَنْ كُلُوبِهِمْ C'est le kulub de qui? Des malaïka. ثَانِيَا مَا فِيهَا مِنِ الْحُجَّةِ يَلَا إِبْطَالِ الشِّرْكِ خُصُوصًا مَنْ تَعَلَّقَ عَلَى الصَّالِحِينَ وَيَا الْآيَةُ الَّتِي قِيلَ إِنَّهَا تَقْتَعُ غُرُوكْ شَجَرَةِ الشِّرْكِ مِنِ الْقَلْبِ. Et il y a dans ce verset un argument qui démontre la fausseté du shirk. Et tout particulièrement ce qui est lié aux salihin. الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير. Le tafsir du verset dans sa parole où il dit, dans le sens, il dit à la vérité, il est العلي الكبير, le haut et le grand. Cela, ça fait isbat sifat al-ulu lillah, azza wa jal, que Allah il est élevé. C'est-à-dire que Allah il est au-dessus. Maintenant, c'est ulu كيف هو Allah a'lam. فهمت Allah a'lam. Allah il est au-dessus des cieux. على عرش استوى. رابعا سبب سؤاله من ذلك la cause de leur question يعني الملائكة. الخامسة أنا جبريل والذي يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا. C'est Jibril qui leur répond en disant il a dit telle et telle chose. Ils leur disent que Allah سبحانه وتعالى lui a dit. سادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. Que le premier qui lève sa tête après que les anges furent évanouis, le premier qui lève sa tête c'est جبريل. السابعة أنه يقوله لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. Et qui le dit à tous les êtres des cieux qu'ils lui ont demandé. Mais ça n'est pas là les malaïka. الثامنة أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم. Et que l'évanouissement regroupe ou concerne tous les êtres des cieux, tous. التاسعه كما قلنا الحديث ما يثبت ارتجاف السماوات لكلام الله. Que même les cieux ont peur de la parole d'Allah. العاشره ان جبريل والذي ينتهي بالوحي الى حيث امره الله. Que Jibril c'est lui qui apporte la révélation là où Allah lui a ordonné. Al-hadiyata ashar, dhikru istiraq et shayatin. Que les shayatin volent justement l'écoute. et vole cette parole. Athaniyata achar, sifat rukub ba'du ba'dihim ba'dha. Le fait qu'ils se montent les uns sur les autres. Athalitha achar, irsal ash-shihab. L'envoi des météores. Arabiata achar, annahu taratan yudriku ash-shihab qabla an yulqiyaha. Wa taratan yulqiyaha fi udhun waliyhi. Donc parfois il se peut que le météore l'atteigne avant qu'il ne la retransmette. Et parfois il la retransmet dans l'oreille de son allié parmi les humains avant que le météore ne l'atteigne. Donc ça aura bien quoi? Ce que Allah fera qu'il a voulu. Al-Khamsta'ashar. Kon kahin yazduk fi ba'd al-ahyan. Le fait que le devin peut parfois dire la vérité. Al-Sadista'ashar. Kon yakzibu ma'am yad kaziba. Le fait qu'il rajoute sans mensonge à cette parole-là. Al-Sabi'ata Achar, annahu la yasduk, annahu la yusaddak kazibuhu illa bitika kalimati allati sami'at min as-sama. Que son mensonge n'est pas cru, ce n'est du fait qu'il ait pris cette kalima qu'il a entendue depuis les cieux. C'est ça qui fait que les gens arrivent à le croire. Par la suite. Al-Sabi'ata Achar, qaboul al-nufus lil-ba'atil. Le fait que les âmes acceptent le faux, comment on regarde, ils s'accrochent pour une seule vérité sans prendre en considération toutes les autres. Et tu verras les gens du Bo'atil, c'est comme ça. Tu vas leur exposer 1000 arguments clairs. S'ils trouvent une chouboël sur un, ils vont s'arrêter dessus. Et ne pas faire attention à tous les autres. C'est-à-dire même malgré le grand nombre que tu apportes de Adillah, si une chose le fait douter, il va s'arrêter là-dessus et polémiquer là-dessus. Et tout le reste, t'en fais quoi? Allez, on dit que sur ce point-là, il y a eu une erreur. On dit qu'il y a une erreur. Tout le reste, tu le jettes. Tout le reste qui est clair, tu le jettes. Pour dire que les cœurs s'accrochent au Bo'atil. Al-Tasita'ashar. Kounou yatalaqa ba'duhum bi ba'di tilka kalima wa yahfazounaha wa yastadalluna biha. Du fait qu'ils se retransmettent les uns les autres cette parole et qu'ils la mémorisent. Puis se base dessus comme preuve. Là, je pense qu'il fait allusion peut-être à ceux qui écoutent les Qur'an. Ou... Allah, même ce qui apparaît. Ishroun, isbat sifat khilafan ash'ariya al-mu'attila. Le fait qu'il est dessus là, il y a affirmation des attributs, contrairement à ce que font les ash'ariya ou al-mu'attila. Les mu'attila sont ceux qui annulent les sifat. Soit par un tahrif, soit par autre chose. Al-Hadiyatu 20 anna tilka rushfata wal 'ashiyya khawfan min Allah 'azza wa jall. Que cet évanouissement et cet ébranlement, cela est dû à la peur ressentie envers Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Thaniyatu 20 annahum yakhruna lillahi sujada. Le fait qu'ils tombent prosternés pour Allah, qui les êtres des cieux. Donc là, c'était le bab qu'on a pris aujourd'hui, qui est relatif, lui, aux anges, pour démontrer que les anges, également les anges dans ce... qui n'a pas été cité là, c'est qu'ils ont des cœurs. Que les anges ont des cœurs, et qu'ils ont des aql. Ce sont des ruqala. Les anges sont des ruqala. Des créatures qui ont une raison, contrairement à ce que les gens disent. Ils ne sont pas ruqala, on disons un aql. Et que ces créatures sont citées au masculin. Il y a eu un khilaf, certains disent qu'on ne les décrit ni comme des hommes ni comme des femmes. C'est le cours de Cheikh Moukbil. Et Cheikh Ben Baz lui dit qu'on dit que ce sont des hommes. Cheikh Yahya dit pareil. En tout cas, les décrire comme étant des femmes, ça c'est du kufr. Purement. Dire que les malakas sont des femmes et les filles d'Allah, ça c'est du kufr. Comme dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala l'a démenti. Donc celui qui a compris qui sont les malakas, des créatures créées de lumière qui ont des ailes et qui ont pour beaucoup d'entre eux des actions, des fonctions à remplir, et ils sont très nombreux, très très nombreux, et ils ne désobéissent jamais à Allah subhanahu wa ta'ala. Quoi qu'il en soit, il reste des créatures qui ont peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, de son châtiment, qui lui obéissent, donc ne sont pas en droit d'être adorés nullement, ni les messagers, ni les malaïka, et ni Jibril, ni personne. هذا هو الشاهد من هذا الباب فإلى هنا والحمد لرب العالمين